Si je pouvais, de Sully Prudhomme, enregistré pour LibriVox.org. Si je pouvais aller lui dire, elle est à vous et ne m'inspire plus rien, même plus d'amitié. Je n'en ai plus pour cette ingrate, mais elle est pâle, délicate. Ayez soin d'elle par pitié. Écoutez-moi sans jalousie, car l'aile de sa fantaisie n'a fait, hélas, que me fleurer. Je sais comment sa main repousse, mais pour ceux qu'elle aime, elle est douce. Ne la faites jamais pleurer. Si je pouvais aller lui dire, elle est triste et lente à sourire. Donnez-lui des fleurs chaque jour, des bluets plutôt que des roses. C'est l'offrande des moindres choses qui recèle le plus d'amour. Je pourrais vivre avec l'idée qu'elle est chérie et possédée, non par moi, mais selon mon cœur. Méchant enfant qui m'abandonne, vois le chagrin que tu me donnes. Je ne peux rien pour ton bonheur. Fin du poème enregistré par Maya. Cet enregistrement fait partie du domaine public.